Cauchoir jusqu'à Ménilmuche, la rue de l'Appe à la rue de la Gaîté. Il n'y a pas une môme dans tout Pantruche qui avec la mienne puisse lutter. De tous les côtés quand on l'épluche, on ne trouve rien à lui reprocher. C'est un oiseau rare que roi des vénards j'ai eu le bonheur de dénicher. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez tous la boule. Marlène et Darieux n'arrivent qu'en deux. La Greta Garbo peut aller cirer son chapeau. Ils n'en ont pas à Liverpool, à New York, à Honolulu, de mieux foutu. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Ah, si vous connaissiez ma poule. Si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez tous la boule. Ces petits seins pervers qui pointent au travers de son pullover vert vous mettent la tête à l'envers. Elle a les jambes faites au moule, des cheveux fous frisés partout et tout et tout. Si vous la voyez, vous en rêveriez. Ah, si vous connaissiez ma poule. Marguerite de Bourgogne auprès d'elle n'avait que Nibes comme tempérament. Il faut l'entendre quand elle appelle son petit momo au grand moment. Son corps frissonne d'une façon telle que la maison en tremble également. Et ça vous explique les secousses sismiques dont les journaux parlaient récemment. Et regardez ma peau, vous en verrez à vous. Ces baisers moelleux font dresser les cheveux, ces baisers profonds vous font sauter jusqu'au plafond. Il faut la voir quand elle roucoule et qu'on l'entend du fond de Passy crier chérie. Oh, si vous la voyez, vous me la chipperiez. Mais vous ne connaîtrez pas ma peau.